Gérard, excuse-moi mon petit GG. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, tu verras ton au PD de fesse de babouin. Parce que pour moi c'est un PD. C'est pire qu'un PD, c'est un enculé. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu diras que ce petit con qui s'amuse, qui rate déjà de nous casser les couilles. Je parle vulgairement, mais j'en ai rien à foutre. Alors Michael, tu dirais je lui dis qu'il arrête de casser les couilles à son lit pour nous faire chier à des 23h59 ou 2h30, 3h du matin. Bah, tu peux éteindre ton portable après l'émission à minuit. Non, mais on le laisse allumer, on sait pourquoi, donc. Pourquoi? Non, parce que c'est avec le beau-père. Ah bon. Donc on le laisse allumer. Mais l'autre, c'est pas la peine qu'il nous casse les couilles en nous disant comme quoi il s'amuse à mettre des saloperies sur le site internet. Sur un site internet que je connais pas du tout. Donc je te donne l'adresse, j'en ai rien à foutre, comme je pense qu'à mon avis il doit pas exister. Donc alors ça s'appelle Lycos, www.radiogérard.fr.fm. Alors attends. On est en train de le faire là en ce moment en direct, vite fait, il nous reste 1 minute 45 avant la pause. Après il y a Maxime et je vais rediffuser un grand moment d'un de tes débats que j'ai écouté dans la nuit. Pendant cette nuit pour m'endormir, j'ai écouté ta belle voix sur le débat sur les 35 heures. Oh. Et à un moment donné, tu dis un truc très vrai, tu parles un peu de politique et des 35 heures et c'est un moment inoubliable pour moi, c'est un grand moment de radio, ça dure 4 minutes 49 et ça va être bien. Alors ça existe, hein? Ça existe ou ça existe pas, Fildar? Ouais. Ça existe, hein? Ouais, pas marqué Gérard dessus. Si. Si. Oui, alors qui c'est qui a monté ce site? Alors, c'est Fesse de Babouin. Ah, lui, il va se faire enculer. Et il y a Gérard. Ah, c'est un site, c'est le fameux site des merdes, là, les merdeux, là, non? C'est pas ceux qui foutaient la merde, ceux-là, non? C'est pas... c'est encore la bande de branleurs? C'est pas ceux-là qui voulaient squeezer, là, qui étaient prêts à foutre, je sais pas quoi, les merdeux, pas qu'il y ait des petits merdeux qui avaient des sites sur Gérard. C'est pas eux, Fildar, Manu? Je sais pas. Je crois pas, hein. C'est pas eux. Il y a un site, ouais, qui est sur ton nom, ouais. Oh bah à mon avis, ça doit être le site des jeunes branleurs. Voilà, exactement, site de merde. Il y a carrément l'endroit où tu bosses. Il y a carrément l'endroit où tu travailles, hein. Où? Bah, je te montrerai ça jeudi prochain. Tiens, ça fera, d'accord? Il ira comme ça. Ouais, moi on m'a dit... On a 20 secondes. Oui, très très vite, moi on m'a dit un scoop sur ton boulot que tu nous aurais pas tout dit, en fait. Ouais, ben, j'en dis pas plus. Bon. Moi, les ondis, pour moi, ils vont se faire enculer. Et ceux qui disent des conneries sur moi, ils vont tous se faire enculer, tous se faire sodomiser. Voilà.